Chapitre 4e, à propos d'un portrait en pied. Les chiens s'abattirent avec un bruit sec, les capsules éclatèrent, mais aucune détonation ne se fit entendre. « Quelle est cette plaisanterie ? » dit Octave en fixant sévèrement son adversaire. L'anglais était consterné. « Je vous affirme sur l'honneur, dit-il, que j'ai moi-même, ce matin, chargé ces pistolets. Il faut qu'on ait pénétré chez moi en mon absence. Quelques valets, sans doute. » Octave jeta son arme avec humeur. Il est rare qu'un essai avorté ne guérisse pas de la manie du suicide. Outre le ridicule de la position, ce que le comte n'osait s'avouer, c'est que la volonté commençait à lui faire défaut. Dans ces deux tentatives de mort, il avait épuisé une grande partie de son énergie. L'orgueil seul était resté debout. Puis des incidents extérieurs et tout physique l'influençaient à son insu. La nuit était venue. L'air s'élevait vif et piquant et, disons tout, une faim féroce rugissait dans son estomac. Être accouru gaiement, le sourire aux lèvres, dans l'intention formelle de se tuer, et se sentir 2 heures après non seulement bien vivant, mais encore bourrelé de secrètes velléités de filets de chevreuil et de faisans truffés, quelle chute! Peut-être l'anglais se livrait-il aux mêmes réflexions, car il avait la mine fort décontenancée. Il y eut un instant de silence pendant lequel ils se regardèrent d'un air moitié furieux, moitié embarrassé. Enfin, le comique de la situation l'emporta, et Octave partit d'un grand éclat de rire qui fut suivi du rire moins franc de l'anglais. Décidément, dit le comte, la Providence s'oppose pour aujourd'hui à nos projets. Résignons-nous et attendons. Mais que diable vais-je faire en attendant? J'ai une idée, dit l'anglais. Voyons l'idée. Vous êtes toujours décidé à mourir. Plus que jamais, dit Octave après une légère hésitation. D'ailleurs, ajouta-t-il, j'y suis contraint. Et moi aussi. Mais quelques heures de plus ou de moins sont de peu d'importance en pareil cas. Oh, de très peu d'importance. L'anglais remit ses gants avec le plus grand soin. « Monsieur le comte, dit-il en saluant Octave, voulez-vous me faire l'honneur d'accepter à dîner chez moi? Nous nous tuerons au dessert. » Octave ne put s'empêcher de regarder avec étonnement cet homme qui, ne le connaissant que depuis 1 heure à peine, agissait avec lui comme on agit avec un ami de 10 ans. Il est vrai que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ils s'étaient rencontrés les plaçaient en dehors des préjugés reçus et des convenances sociales. Puis, la figure de Lord Weymouth, quoique froide et triste, respirait une franchise, une loyauté irrésistible. Octave répondit donc en lui serrant la main. « J'accepte, my lord, et de grand cœur. Ce m'est une occasion très précieuse de cultiver votre connaissance pour que je la laisse échapper. » Les deux hommes sortirent, les bras enlacés, de la clairière et marchèrent en silence, écoutant le murmure de leurs pensées. Octave réfléchissait à la bizarrerie de l'aventure qui, d'ailleurs, plaisait à son esprit primesautier et avide d'impressions nouvelles. L'anglais semblait en proie à des idées douloureuses. Ils arrivèrent à Neuilly et s'arrêtèrent devant une élégante petite maison séparée de la rue par une grille dorée. Au coup de sonnette de Lord Weymouth, un domestique en grande livrée vint ouvrir. En traversant la cour, Octave remarqua que plusieurs fenêtres du premier étage étaient éclairées et donnaient passage à une magnifique voix de femme qui chantait en s'accompagnant au piano. Au son de cette voix, l'anglais s'arrêta court, et sa figure prit une singulière expression de tendresse et de souffrance. Puis, il passa une main sur son front, poussa un soupir, et d'un geste, invita son hôte à le suivre. L'on gravit un perron, et Lord Weymouth, après avoir fait traverser au comte plusieurs pièces du rez-de-chaussée, l'introduisit dans un petit salon où pétillait un bon feu, tandis que le valet de chambre, qui les précédait un flambeau à la main, allumait les candélabres. Son maître lui dit: « Êtes-vous entré dans mon cabinet ce matin, John ?»« Non, my lord. »« Vous n'avez point touché à mes pistolets ?»« Non, my lord. »« C'est singulier, » dit l'anglais d'un air pensif. « Vous dresserez 2 couverts, John, et vous nous ferez servir ici. » Le domestique s'inclina et dit: « Sa seigneurie a donné l'ordre qu'on la prévint aussitôt que my lord serait rentré. » Lord Weymouth pâlit visiblement. « Dites à milady, » fit-il avec effort, « que je n'aurai pas l'honneur de la voir ce soir et priez-la d'agréer mes excuses. » « Je suis en affaire. » Le valet de chambre se retira. « Vous me pardonnerez, n'est-ce pas, mon cher hôte, dit l'anglais, si je vous abandonne un instant. Quelques ordres à donner. » Octave voulut répondre, mais il vit une telle pâleur, une telle anxiété sur le visage de son nouvel ami, qu'il ne put que s'incliner en silence. Lord Weymouth sortit presque en chancelant. « Encore une plaie mystérieuse, » pensa le comte en le suivant des yeux. Il se jeta nonchalamment sur une causeuse, étendit ses pieds vers le foyer brillant et laissa ses regards errer autour de ce délicieux salon décoré avec le goût le plus parfait. « Supposons, dit-il, que je sois un homme de lettres, ce qu'à Dieu ne plaise, et que j'écrive ma journée d'aujourd'hui en manière de feuilleton. Mon lecteur lancera nécessairement ma prose par la fenêtre en s'écriant « Ce n'est pas arrivé !» Le fait est que je nage en pleine invraisemblance. Me voici au coin du feu chez un ami, que je ne connaissais pas ce matin, tandis que je devais être à danser au bout d'une corde dans quelque massif du bois de Boulogne. » Tout à coup, Octave bondit, se leva comme mu par un ressort et s'élança vers un tableau que ses yeux venaient de rencontrer. C'était le portrait d'une gracieuse jeune femme de 22 à 23 ans, ni positivement belle, ni précisément jolie, dans l'acception reçue de ces deux mots. Grande et mince, toute sa personne portait un cachet d'exquise élégance, de noblesse de race, qui l'eût fait distinguer au milieu de 100 autres femmes peut-être plus parfaites. Ses pieds, ses bras, ses mains étaient des merveilles de modeler. Sa physionomie fine et régulière respirait un mélange de bonté rêveuse et d'intelligence calme. Seulement, à l'arc ferme et nettement dessiné de ses sourcils noirs, on devinait qu'une volonté inflexible habitait ce corps frêle. Le comte resta immobile et muet de stupeur. Il avait reconnu ce doux visage, ses épaisses boucles dorées, ses grands yeux bleus, sombres et veloutés. Pâle et le cœur battant, il enveloppa le portrait d'un regard avide et suppliant. Il lui semblait qu'une parole, un geste, allait faire évanouir la vision chérie. « Où l'ai-je vu ?» se demanda-t-il pour la 100e fois peut-être, et ses souvenirs se pressaient, se heurtaient comme un tourbillon de feuilles sèches que soulève la bise. Il pressa son front brûlant de ses deux mains, et accoudé à la muraille, l'œil ardemment fixé sur l'inconnu, il s'abîma dans une profonde rêverie pleine d'amour et d'angoisse. Alors, peu à peu, en contemplant ce sourire d'ange, ce front limpide, ce regard lumineux, il sembla à Octave que le brouillard étendu sur sa mémoire allait se déchirer. Il fit un dernier, un suprême effort, il se souvint. C'était 2 ans auparavant. Le comte de Soubran, dans toute l'effervescence des passions et habitué à satisfaire ses caprices les plus effrénés, avait fait la rencontre d'une actrice fort en vogue à cette époque. Elle était d'une beauté médiocre et d'un talent pour le moins contestable, mais ses aventures galantes, que tout Paris connaît, l'avaient mise à la mode. Octave voulut l'honorer d'une fantaisie passagère. Soit par adresse, soit pour tout autre motif, elle lui résista. Sa possession, d'ailleurs, semblait environnée d'obstacles qui piquèrent la vanité d'Octave. Cette femme était alors la maîtresse d'un personnage immensément riche et jaloux d'une manière ridicule. Le comte trouva charmant de la lui enlever, et comme chez lui, du projet à l'exécution, il n'y avait pas d'intervalle, il partit un beau matin pour l'Italie avec l'actrice qui l'emmenait, moitié riant, moitié furieuse, moitié de gré, moitié de force. Mais 2 heures après leur départ, l'Othello courait sur leurs traces. Il rejoignit le couple près de Fontainebleau, provoqua Octave, lui donna un magnifique coup d'épée au travers du corps, et l'ayant laissé pour mort, il continua sa route en compagnie de la dame. Le comte resta 1 mois cloué sur un lit d'auberge, flottant entre la vie et la mort et en proie à un délire affreux. Une nuit, il se réveilla plus calme et put se rendre compte du lieu où il se trouvait. La veilleuse était une lueur, indécise, et 2 tisons achevaient de se consumer dans l'âtre. La servante qui le soignait ronflait bruyamment dans un fauteuil. Soudain, fût-ce une vision de la fièvre ou une réalité, la porte s'ouvrit en silence, et une femme, une ombre, s'approcha de son lit, se pencha sur son visage et le contempla avec une expression de tendre pitié. Une main blanche, douce et fraîche, arrangea l'oreiller sous la tête en feu du malade et porta un verre à sa bouche desséchée. Octave voulut parler. L'inconnu mit un doigt sur ses lèvres. Il se tut et se rendormit. Le lendemain, il s'informa avec tant d'ardeur qu'on attribua ces questions incohérentes à un reste de délire. D'ailleurs, on ne savait ce qu'il voulait dire, et on jugea inutile de lui répondre. Tant que le comte fut en danger de mort, il vit toutes les nuits sa porte s'ouvrir mystérieusement, et une forme céleste erra autour de lui, attentive à son moindre geste, secourant à chaque soupir qui lui arrachait la souffrance. Enfin, ce fut la jeunesse qui triompha. Fût-ce l'intime conviction qu'avait Octave qu'une âme dévouée disputait la sienne à la tombe, un jour vint où le médecin déclara qu'il répondait de la vie du comte. À partir de ce moment, Octave attendit en vain chaque nuit. Sa porte resta close, l'inconnu ne revint pas. Un matin qu'il se sentait mieux, le convalescent fit traîner son lit auprès de la fenêtre pour jouir des chauds rayons du soleil. Il remarqua dans la cour de l'hôtel une chaise de poste qu'on attelait. Puis parut une femme de chambre portant une foule de cartons et de paquets qu'elle rangea dans la voiture. Le jeune comte eut le cœur serré malgré lui. Enfin arriva lentement une femme élégante et voilée. Octave tressaillit. Prête à monter dans la chaise de poste, cette femme écarta son voile et leva les yeux vers la fenêtre du malade. Un sourire triste errait sur ses lèvres. C'était à la fois un aveu et un adieu. Le comte poussa un cri. Il avait reconnu l'ange consolateur de ses nuits de torture. La voiture partit au galop. Octave retomba anéanti. Il lui sembla que cette femme emportait son avenir avec elle. Quelques jours après, le comte de Soubran revint à Paris, un peu guéri, un peu morose, un peu amoureux. Les informations qu'il avait prises auprès des domestiques de l'hôtel ne lui avaient rien appris sur son inconnue. Arrivée à Fontainebleau, 2 semaines après lui, elle y était restée, ne voyant personne et ne sortant jamais. Le nom qu'elle avait donné était évidemment un nom d'emprunt. D'où venait-elle, où allait-elle, nul ne le savait. Octave la chercha en vain pendant quelque temps. Nous avons dit comment, entraîné dans un tourbillon de plaisir, il finit par l'oublier, ainsi que son duel, sa blessure et l'actrice, cause première de ce petit roman. Mais aujourd'hui, devant cette image radieuse qui souriait dans son cadre d'or, comme jadis l'inconnu dans la chambre du malade, les souvenirs endormis du comte l'envahirent avec la violence d'une passion. « Qui est-elle? Que fait-elle ici ?» se demandait-il plein d'angoisse. « Est-elle la sœur, la fille, la nièce de Lord Weymouth ?» Et il marchait à grands pas, en proie à 1000 agitations, à 1000 projets contradictoires, s'arrêtant à toute minute, l'œil en feu, le cœur gonflé pour considérer la mystérieuse toile. Une main s'appuya sur son épaule et le fit tressaillir. « Que faites-vous donc là, comte ?» lui dit Lord Weymouth, qui rentrait. Octave essaya de reprendre son sang-froid. « J'admirais cette peinture, » dit-il. « N'est-ce pas, dit l'anglais, que voilà un suave et charmant visage ? N'est-ce pas que ces yeux-là sont faits pour scintiller dans le bonheur et non pour s'éteindre dans les larmes ?»« Certes, » dit Octave, en regardant Lord Weymouth, dont la voix était sombre et le sourire amer. « Ce portrait, my lord, c'est celui d'une de vos parentes, sans doute ?» L'anglais passa une main sur ses yeux. « C'est le portrait de ma femme, » dit-il avec effort. « Sa femme, » pensa le comte, et il pâlit.